franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. L'image a frappé les esprits. Le secrétaire d'État américain, Colin Powell, visage grave, prend la parole devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui repose sur des sources très solides. Pendant plus d'une heure, à l'aide de diagrammes, de photos et même d'échantillons de poison qu'il manipule devant les caméras, le chef de la politique étrangère des États-Unis affirme que l'Irak de Saddam Hussein continue à produire des ADM, des armes de destruction massive qui menacent ses voisins et même l'Occident. On est alors le 5 février 2003. 6 semaines plus tard, l'armée états-unienne envahissait l'Irak. Saddam Hussein était vaincu en quelques jours et devait fuir Bagdad. Mais on le sait aujourd'hui, malgré la mobilisation d'une armée de 1400 inspecteurs cornaqués par la CIA, il ne sera trouvé nulle trace de ces terrifiantes ADM. Et Powell, humilié, devra reconnaître qu'il a été délibérément trompé afin de justifier devant le monde entier l'urgente nécessité de chasser Saddam Hussein. Ce qu'on connaît moins, par contre, c'est l'exacte manipulation qui a conduit le secrétaire d'État à prononcer ce discours mensonger. Car derrière, M. X l'annonçait la semaine passée, il y avait un mystérieux personnage, nom de code Curveball, un escroc aux renseignements qui a abusé la plupart des services spéciaux occidentaux, et parfois avec leur consentement. Dans ce nouvel entretien, M. X décrypte le mécanisme de cette mystification sans précédent. Un rappel d'abord, sans vouloir exonérer les personnages et les officines qui ont sciemment, ou pas, permis la manipulation de Curveball, il faut bien dire que Saddam Hussein n'a cessé d'alimenter les soupçons au sujet des ADM qu'il était censé posséder. Oui, en mettant en particulier des bâtons dans les roues aux inspecteurs de l'ONU. Et en leur interdisant en particulier de visiter ses nombreux palais présidentiels, oui. Et je vous ai expliqué pourquoi dans notre précédent entretien. Ah, vous m'avez même dit que Saddam Hussein s'était lui-même piégé. Oui, pour deux raisons principales. D'abord, il ne voulait pas reconnaître qu'il avait utilisé des stocks énormes d'armes chimiques contre les troupes iraniennes lors de la guerre Iran-Irak. Beaucoup plus qu'il ne l'avait affirmé. D'où un écart formidable entre les tonnages repérés et détruits par les inspecteurs et la réalité de la production de ces armes. Ouais. Et donc, ces experts de l'ONU pouvaient légitimement se demander où étaient passées ces armes. Exactement. Mmh. Mais Saddam Hussein, coupable de véritables crimes de guerre contre l'Iran et sa population, ne voulait pas reconnaître l'ampleur de ses responsabilités. La deuxième raison est encore plus étonnante. Le dictateur irakien désirait continuer à faire peur. À ses voisins, ses opposants. Et aussi à de possibles envahisseurs. Par conséquent, il a tout fait pour qu'on continue à croire qu'il possédait des ADM. Bah, c'est un bluff qui lui a coûté très cher. Hein. En effet, oui. Alors parlons maintenant plus précisément de Curveball. En 1995, un ingénieur en chimie irakien, un certain Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, déserte l'Irak. Et que sait-on de lui ? Alwan al-Janabi a une trentaine d'années. C'est un musulman non pratiquant. Ce qu'il fait au début de son exil, on ne sait pas exactement. Mais en novembre 1999, muni d'un visa de tourisme, il atterrit à l'aéroport de Munich. Il demande immédiatement aux autorités allemandes un statut de réfugié politique. Il se sent menacé ? C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre. Et il est vrai que les services de sécurité irakiens traquent les exilés qui pourraient rejoindre les rangs des organisations opposées au régime de Saddam Hussein. Quoi qu'il en soit, avant que l'on statue sur son cas, il est envoyé au camp de regroupement de Zindorf, près de Nuremberg. Un camp pour les réfugiés demandeurs d'asile. Une procédure normale hein, en Allemagne. Ah, tout à fait. Mmh. Mais Alwan al-Janabi trouve le temps long Et puis les conditions de vie dans le camp, même si elles sont décentes, commencent à lui peser. Au bout de quelques semaines, il demande à rencontrer un agent du BND. Oui, ça c'est le service de renseignement allemand. Hein. Oui, et c'est relativement facile car le BND, qui s'intéresse à tous les exilés politiques, particulièrement ceux qui sont issus du Proche et Moyen-Orient, dispose d'une antenne dans le camp. Mmh. Mais s'il demande ce rendez-vous, c'est qu'il a peut-être des révélations à faire qui peuvent attirer l'attention des services secrets. Ah, bien entendu. Alwan Al-Janabi est donc mis en contact avec cet agent du BND et commence par raconter son histoire. En arabe, car il maîtrise encore mal la langue allemande. Il déclare qu'il a étudié à l'université technique de Bagdad, dont il est sorti dans les premiers. Spécialiste en armement, il a ensuite travaillé pour la commission industrielle militaire du régime irakien. La mission de cet organisme ? Cette commission est en particulier chargée de la mise au point des armes nouvelles. Alwan Al-Janabi affirme y avoir occupé d'importantes fonctions. Oui, ça, pour les agents du BND, c'est assez excitant. Naturellement. Le siège du service, situé à Pullach, en Bavière, est aussi alerté. La moisson risque d'être fructueuse et les espions du BND espèrent en apprendre un peu plus sur ces fameuses ADM que Saddam Hussein est réputé posséder. À l'époque, en 1999, les inspecteurs des Nations Unies ont été renvoyés. Et beaucoup d'experts, beaucoup d'experts occidentaux soupçonnent que Saddam Hussein a recommencé à fabriquer des armes chimiques ou bactériologiques dans le secret des souterrains de ses palais présidentiels. Donc, si ce Alwan Al-Janabi possède des informations sérieuses, son témoignage arrive au bon moment. Et le BND lui envoie un officier expérimenté et ambitieux que ses collègues appellent le docteur. Tiens, le docteur, pourquoi ce surnom ? Parce que cet agent est aussi un biologiste de formation. Spécialisé dans l'étude des programmes d'armement nucléaire, biologique et chimique irakien, il travaille déjà depuis plusieurs années pour le BND. Ouais. Donc le docteur, alors continuons à l'appeler ainsi, se rend dans ce camp de réfugiés politiques afin de recueillir les informations que peut livrer Alwan Al-Janabi. Et presque aussitôt, l'agent du BND a l'impression d'ouvrir une véritable manne au trésor. Racontez. La perle, si j'ose dire, c'est la révélation par Alwan Al-Janabi de l'existence de laboratoires mobiles. Ouais. Des camions. C'est ça. Ouais. Des semi-remorques géants. De vrais labos sur roues qui peuvent se déplacer à travers tout le pays. Et notez bien que cette affirmation permet d'expliquer pourquoi les inspecteurs de l'ONU n'ont jamais trouvé trace du programme ultra-secret de fabrication d'ADM de Saddam Hussein. Oui, c'est en effet assez astucieux. Hein. Mais attendez, là, à l'appui de ces révélations, est-ce que Alwan Al-Janabi apporte des preuves ? Des preuves ? Non. Mais des précisions intéressantes, sinon absolument convaincantes. Il raconte, par exemple, qu'avant de quitter l'Irak, il a vu l'un de ses camions et il a appris que 6 autres unités étaient en construction dans une usine située à Djerd al-Nadaf. Cet établissement industriel comporte un hangar fermé par un énorme portail d'où peuvent rentrer et sortir les camions laboratoires. Oui, ça c'est plus précis. Hein. Mais Rafid Awan al-Janabi révèle aussi qu'en 1998, un accident se serait produit lors de la production d'armes chimiques. 12 chercheurs auraient trouvé la mort à cette occasion. En outre, l'ingénieur transfuge dessine des croquis. Il représente les camions, mais aussi le 5e étage très secret de la centrale chimique de Bagdad. Tout cela est captivant, mais j'imagine que le docteur là, et ses collègues du BND vont essayer de recouper ces informations. Bien sûr, mais comment ? Puisque les inspecteurs de l'ONU sont encore persona non grata en Irak. Cependant, même en l'absence de preuves permettant d'accréditer les révélations d'Alwan Al-Janabi, les responsables du service secret allemand ont la conviction qu'ils sont tombés sur l'oiseau rare. C'est la première fois qu'un service occidental met la main sur un acteur important du programme irakien d'armement clandestin. Et pour le BND, ça arrive au bon moment. Pourquoi le bon moment ? Parce que les services de renseignement allemands vont être accusés par leurs collègues occidentaux de ne pas avoir débusqué ni surveillé la cellule islamiste de Hambourg. Ah oui, ce groupuscule là, dirigé par Mohamed Atta, l'un des pilotes des attentats du 11 septembre. Un véritable fiasco, parce que c'est à Hambourg qu'ont été préparés les attentats contre les tours jumelles. Pour le BND, ces révélations de Rafid Alwan Al-Jahabi lui permettront de se refaire une virginité. Les agents secrets allemands tiendront ainsi leur revanche. Rendez-vous avec X. Pour bien comprendre l'importance que vont prendre les révélations de Rafid Halwan al-Janabi, il faut tenir compte de l'état d'esprit qui prévaut à l'époque dans le monde politique et la communauté du renseignement, particulièrement aux États-Unis. Confirmation avec cet extrait trouvé dans le livre de Mueller et Schmidt-Enbaum sur l'histoire des services secrets allemands. Le 26 août 2002, le vice-président des États-Unis, Dick Cheney, commença à préparer les Américains à la guerre. Lors d'une réunion de vétérans à Nashville, il déclara qu'il n'y avait plus aucun doute sur le fait que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et qu'il était également prêt à les utiliser contre les alliés des États-Unis et les États-Unis eux-mêmes. Cheney insista sur le fait que Saddam Hussein allait bientôt être en possession d'armes nucléaires. Le vice-président n'attendit pas le retour d'Irak des inspecteurs américains. Au contraire, ce retour était même dangereux pour lui car il ne signifierait qu'un répit. Cheney dévoila également aux vétérans sur quoi reposaient ces informations. Très souvent, on apprend plus des déserteurs que des inspecteurs américains. Et bien sûr, le vice-président faisait là allusion à celui qu'on allait bientôt désigner sous le nom de code Curveball. Pour exercer cette revanche dont vous parlez, le BND là, doit donc informer les autres services occidentaux. Et d'abord en priorité les Américains. La DIA, c'est-à-dire l'Agence de renseignement militaire des États-Unis, est solidement implantée en Allemagne, où elle est même installée dans un bâtiment secret. C'est ce service qui va d'abord avoir la primeur des révélations fournies par Halwan al-Janabi. Et c'est aussi la DIA qui va lui attribuer son nom de code, Curveball. Et rappelons, enfin pour les auditeurs qui n'auraient pas été à l'écoute la semaine dernière, Curveball, dans le jargon du baseball, ça veut dire balle à effet. Autrement dit, la balle trompeuse, oui. Et finalement, on ne saisira le sel de cette appellation que bien plus tard, beaucoup trop tard. Enfin, passons. Naturellement, les agents états-uniens demandent à être mis directement en contact avec Curveball. Toutefois, il se voit opposer un refus. Mais pour quelle raison? Le prétexte invoqué officiellement par le BND tient dans la haine viscérale que Curveball éprouve pour les Américains. Bizarre, ça. Ouais, là, je partage votre appréciation. En réalité, je pense que les Allemands n'ont pas envie de partager leur trouvaille classée bleue, c'est-à-dire ultra secret. Ça n'empêche pas le BND d'informer très abondamment tous les services occidentaux, américains, britanniques, français et israéliens. Entre 1999 et le début de 2003, c'est plus d'une centaine de rapports qui leur seront envoyés. À noter, et c'est très intéressant, que plus le temps passe et plus le ton des rapports est catégorique. C'est-à-dire que les révélations de Curveball sont jugées de plus en plus crédibles. C'est ça, oui. Mm-hmm. Mais j'imagine que ces services de renseignement occidentaux là, doivent malgré tout essayer de s'assurer de l'authenticité des informations de Curveball. Bien évidemment. Et ce sont d'abord les Américains qui sont à la manœuvre. Grâce à leur réseau de satellites, ils obtiennent des photos de l'usine de Jeff al-Nadaf, où seraient construits les laboratoires mobiles. Mm-hmm. Résultat ? Les documents montrent clairement qu'un mur de béton de 3 mètres protège la porte principale du hangar. Un obstacle qui rend impossible toute entrée ou sortie d'un gros véhicule. Ah, embarrassant, ça. Ouais, mais les agents du BND ont une réponse toute prête. Il s'agit d'un camouflage. Autres écueils. D'abord, en 2000. Un émissaire du Pentagone, à force d'obstination et de démarches compliquées, réussit à rencontrer Halwan al-Janabi. Durant quelques heures, il en rapporte une drôle d'impression. Et pourquoi ? Curveball a une solide gueule de bois et il pue l'alcool. Bref, le type ne lui paraît pas très sérieux. Ici, une parenthèse. Halwan al-Janabi ne réside plus dans le camp de réfugiés. Il vit désormais très confortablement sous la protection d'agents du BND. Enfin, je reprends. En 2001, nouveau doute, un expert britannique du SIS, l'ancien M6, parvient à son tour à rencontrer Curveball. Sa conclusion est brutale. Le comportement du transfuge irakien est typiquement celui d'un escroc au renseignement. Et ce n'est pas fini. Bah quoi encore ? En 2002, à Washington, Tyler Drumheller, directeur des opérations de la CIA en Europe, déjeune dans un restaurant huppé avec l'officier de liaison du BND aux États-Unis. Mmh. Et il parle naturellement de curveball. Oui, et au grand étonnement de l'homme de la CIA, l'Allemand ne semble pas partager l'enthousiasme d'August Henning, son patron, pour curveball. Mmh. Il donne une raison ? L'Irakien lui semble psychologiquement instable. Par conséquent, on peut nourrir des doutes sur la valeur des renseignements fournis depuis 3 ans par le BND aux services états-uniens. Et dites-moi, ça commence à faire beaucoup. Et bientôt, c'est le BND qui va se trouver sur la sellette. En novembre 2002, la commission des affaires étrangères du Parlement allemand se réunit à huis clos pour entendre August Henning, le président du BND, et les experts en ADM qui ont eu à connaître du dossier curveball. Le docteur, là, en est ? Naturellement. Mmh. Henning se garde bien de donner trop de précisions sur sa source secrète. Mais il tient des propos plutôt ambigus. Et il finit par admettre que les informations recueillies n'ont pu être vérifiées. Recul ou prudence ? Bon, sans doute les deux. Dans le même temps, les services états-uniens ne cessent d'insister pour voir et interroger Alwan Al-Janabi. George Tenet, le patron de la CIA, voudrait même qu'il puisse être interrogé par une chaîne de télé américaine. Cette demande donne même lieu à une rencontre au sommet de l'État allemand entre le chancelier Schröder, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères et le coordinateur des services secrets. Qu'en résulte-t-il ? Les dirigeants allemands sont visiblement embarrassés, car ils savent bien que l'interview de curveball servira la cause des faucons américains qui veulent à tout prix en découdre avec Saddam Hussein. Or, ils sont aussi opposés à une invasion de l'Irak. Cependant, d'un autre côté, ils ne veulent pas froisser l'allié états-unien, surtout si les informations de curveball s'avèrent exactes. Henning, le président du BND, est donc chargé de livrer une réponse mi-figue, mi-raisin aux Américains. Précisez. Hein. Dans une lettre envoyée à la CIA fin novembre 2002, il réaffirme que les révélations de curveball sont plausibles et convaincantes, tout en soulignant que rien ne peut les confirmer. Il convient donc d'être très prudent. Et si Tenet veut tout de même les rendre publics, Henning lui demande de ne pas dévoiler l'origine de ses sources. Ouais, bizarre, hein. Conclusion ? Henning refile la patate chaude aux États-Unis. À eux de prendre leurs responsabilités et de faire ce qu'ils veulent. Et ça ne tarde pas. C'est George Bush qui donne le ton dès le 28 janvier 2003 dans son discours sur l'état de l'Union. Il déclare à peu près ceci. Saddam possède des quantités d'armes biologiques et chimiques capables de tuer des millions d'hommes. Et le président états-unien fait état de l'existence des fameux laboratoires mobiles. Ouais. Il ajoute donc foi là, aux révélations de curveball. Hein. Ah, sans le citer, toutefois. Ouais. Et quelques jours plus tard, hein, c'est le discours, le fameux discours de Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Powell, pas très à l'aise, qui tente pourtant de convaincre la communauté des nations du bien fondé du dossier à charge patiemment rassemblé par l'administration états-unienne pour justifier une opération militaire imminente contre l'Irak de Saddam Hussein. Et il faut rappeler qu'il commence son discours en affirmant qu'il s'appuie sur des informations très solides. Et le clou de son exposé, si je peux dire, est dans la présentation illustrée des capacités mobiles de production d'ADM. Autant d'armes que le dictateur irakien a cachées au monde. Et donne-t-il des précisions sur ses sources. Le secrétaire d'État cite un témoin oculaire, un ingénieur chimiste irakien ayant travaillé dans une usine de Jerf al-Nadaf, où les camions laboratoires étaient convertis en laboratoires mobiles d'ADM. Donc il fait là allusion clairement à curveball. Absolument. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce qui s'est passé dans la nuit précédant cette séance du Conseil de sécurité. Une rencontre qui aurait dû inciter Colin Powell à la plus grande prudence. Sur France Inter. L'administration états-unienne voulait à tout prix vendre la guerre à l'opinion. C'est pourquoi les révélations de curveball ont joué un rôle si essentiel. Récit de Jean-Louis Turlin, correspondant du Figaro à Washington. Dans les hautes sphères de la CIA, on était donc trop enclin à croire Rafid Alwan Al-Janabi, qui s'était présenté comme l'ancien directeur du programme d'armes biologiques à l'usine de Jerf al-Nadaf. C'est à partir de ces dessins de camions que le dossier confié à Colin Powell avait été échafaudé. Pourtant, le transfuge avait refusé d'être interrogé directement par des agents américains, ceux-ci se contentant des rapports de leurs collègues allemands. C'est donc vers son homologue August Hanning que George Tenet, directeur de la CIA, se tourna pour lui demander le 18 décembre 2002 son avis sur l'utilisation des informations recueillies auprès de Curveball. La réponse devait être reçue avant une entrevue de Tenet avec George W. Bush 3 jours plus tard. Les informations étaient plausibles, mais n'avaient pu être vérifiées. Malgré les commentaires prudents des Allemands, dont il vient d'affirmer n'avoir pas eu connaissance, le patron de la CIA déclarait à son président le 21 décembre que l'affaire était dans le sac. Que s'est-il donc passé la veille du 5 février 2003 ? Je vous ai déjà parlé de l'agent de la CIA, Tyler Drumbeller. Celui qui a déjeuné là avec cet officier du BND qui émettait des doutes sur le comportement de Curveball. Lui-même, associé à la rédaction du discours de Colin Powell, il a insisté jusqu'au dernier moment pour que les révélations de Curveball soient traitées avec la plus grande prudence. Il en a informé son patron, George Tenet. Il a rencontré Powell pour lui demander de supprimer de son fameux discours le paragraphe sur l'existence des laboratoires mobiles. Et pourquoi ? Il avait des raisons, de bonnes raisons, de soupçonner Curveball d'avoir menti ? Drumbeller, mais il n'était pas le seul à la CIA, était persuadé que cet exilé irakien était un mythomane. Et il a réussi à convaincre Powell ? Il le pense. Or, quelle n'a pas été sa surprise le lendemain, en écoutant Powell à l'ONU, en découvrant que les lignes biffées avaient été réintroduites. Qui avait pris cette initiative alors ? Je pense qu'il faut chercher du côté de la Maison Blanche et des plus proches conseillers de George Bush qui tenaient à leur guerre. Et la suite alors ? Vous la connaissez. Dès que les militaires de la coalition conduite par les États-Unis sont maîtres du terrain, la chasse aux ADM commence. Et la CIA met le paquet. Ah oui, elle mobilise des centaines de contrôleurs. Et le chef de ses équipes, David Kay, peut dépenser sans compter. Ouais, mais c'est la douche froide. Ah, effectivement, parce que nul ADM n'est repéré. C'est le constat décevant auquel doit se résoudre David Kay après 8 mois de recherches infructueuses. Kay, qui d'ailleurs, ayant la certitude qu'il s'est fait enfumer, finit par démissionner avec fracas en janvier 2004. Et les fameux camions, alors ? 2 d'entre eux sont retrouvés, des remorques. Mais il ne s'agissait pas de laboratoires de fabrication d'armes chimiques ou biologiques, mais de véhicules conçus pour produire de l'hydrogène à usage des ballons météorologiques. Rien à voir, donc. Curveball a par conséquent livré au BND un beau tissu de mensonges. Ah oui, car sur à peu près tous les points évoqués, par exemple ce prétendu accident qui aurait causé la mort de 12 chercheurs, nulle confirmation ne viendra accréditer ces dires. Pourtant, les mensonges ont la vie dure. Début 2004, malgré l'évidence, George Bush Jr. a encore cité le dernier rapport de David Kay pour évoquer une nouvelle fois la menace des ADM irakiennes. Un rapport qui était pourtant vide. Ouais, mais peu importait au président américain. Lui, il y croyait à ces ADM, puisque leur existence avait légitimé sa guerre. Il a quand même fallu redescendre sur Terre. Hein. Et surtout régler quelques comptes. Encore une fois, c'est David Kay qui dégaine le premier. Entendu par le Congrès, il dénonce la faillite du renseignement états-unien dont, dit-il, toutes les agences se sont trompées en croyant à la supposée reconstitution de l'arsenal de Saddam Hussein après sa destruction au début des années 90. Et ensuite, bien sûr, c'est Colin Powell qui réagit. Ouais, il est furieux. Ah ben, on le serait à moins, car c'est lui qui est monté en première ligne, en intervenant solennellement devant le Conseil de sécurité. Alors, il a l'impression d'avoir été ridiculisé ? Ah, il l'affirme, sans embâge. Si j'avais su qu'il n'existait peut-être pas d'ADM, je ne suis pas sûr que j'aurais recommandé d'intervenir en Irak. Et ensuite, Ce sont les services secrets occidentaux qui se sont querellés. Mmh. Et j'imagine que c'est le BND allemand qui est au cœur de la dispute. Ah, forcément. Pour les Américains, le service allemand a été tout simplement malhonnête et non professionnel. Mmh. Réplique des Allemands ? Bah, ils ont beau jeu de dire que leurs agents ont uniquement transmis, sans les analyser ni même les recouper, les informations de Kerbal. Par conséquent, les services états-uniens sont seuls responsables de l'utilisation qu'ils ont fait de ces renseignements. Ouais, ça me paraît quand même un peu hypocrite. Hein. Là, je suis d'accord avec vous. Car en dépit des conseils de prudence qu'ils ont prodigués à leurs homologues occidentaux, les gens du BND ont quand même donné l'impression qu'ils avaient mis la main sur une source incomparable d'informations sur l'arsenal irakien, quoi qu'il en soit. Les uns après les autres, les services de renseignement de l'OTAN doivent reconnaître qu'ils ont été abusés. C'est le cas, par exemple, des Britanniques. Dans un rapport publié en juillet 2004, ils admettent qu'ils ont été trompés. Ouais, c'est important parce que Tony Blair a été l'un des dirigeants politiques le plus ardent à vouloir entrer en guerre avec l'Irak. Hein. En recourant à des procédés souvent douteux pour abuser son opinion publique. Je pense en particulier à la mort suspecte du docteur Kelly, dont nous avons déjà parlé. Je me souviens. Donc, chacun fait le ménage chez soi. Et presque inévitablement, le patron de la CIA, George Tenet, doit démissionner. Mmh. Et Alwan al-Janabi, alias Kerbal, que devient-il ? En 2004, il doit reconnaître devant une délégation officielle de la CIA qu'il a tout inventé, y compris son propre parcours. S'il a effectivement suivi des cours à l'université technique de Bagdad, il n'en est jamais sorti dans les premiers, comme il l'a prétendu, mais plutôt dans les derniers. Et s'il a quitté son poste et son pays en 1995, c'est qu'il était impliqué dans une fraude financière qui devait le conduire en prison. Autre aveu de l'imposteur. Il ne détestait pas du tout les États-Unis, bien au contraire, il souhaitait y émigrer. Alors pourquoi ce refus de rencontrer des agents de la CIA ? Eh bien parce qu'il avait tout simplement peur d'être démasqué par ces agents dont il pensait qu'il serait certainement plus perspicace que leurs collègues du BND et réaliserait assez vite qu'il avait tout inventé. Il reste que la fable de l'existence des laboratoires mobiles est une sorte de coup de génie et devrait lui valoir la première place dans le classement des escrocs au renseignement. Mmh. Qu'est-il devenu ? Après ces révélations, je vous l'ai dit, il a quitté le camp de réfugiés pour s'installer dans un bel appartement d'Erlangen en Bavière. Un appartement entretenu par le BND. En 2007, les Allemands, bon prince, lui ont accordé la naturalisation. Ouais, malgré ses mensonges et les dégâts qu'il a causés. Et il continuerait à vivre sous la protection du BND. Mais menteur invétéré, Alwan al-Janabi n'a apparemment pas renoncé à se moquer du monde. Il n'y a pas si longtemps, en février 2011, je crois, il a accordé une interview exclusive au journal britannique The Guardian. Et il a osé prétendre que s'il avait constamment trompé le BND, c'était pour sauver son pays du dictateur Saddam Hussein. Et en provoquant l'intervention militaire en Irak. Ah, tout bonnement. En somme, si on ajoute foi à ce dernier mensonge, c'est lui qui a renversé Saddam Hussein. Deux livres pour compléter votre information sur cette affaire. « Guerre secrète » de Claude Moniquet, un ancien agent de la DGSE et un bon connaisseur du monde du renseignement. Publié à l'encre d'Orient, et aussi déjà cité « L'histoire des services secrets allemands » de Michael Müller et Eric Schmidt-Unbaum, Nouveau Monde Édition. Et puisque Noël approche, voici trois livres que vous pourriez offrir à vos proches. « Philby, portrait de l'espion jeune homme » du grand Robert Little. Ensuite un beau livre, un livre-objet comme on les nomme désormais, La France rouge, qui raconte l'histoire du Parti communiste français. Et enfin, un ouvrage que m'a recommandé, non sans malice, Monsieur X en personne, Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, un recueil inédit des premières aventures du héros de Maurice Leblanc. Autant de livres dont vous trouverez les références sur le site franceinter.fr, rubrique « Rendez-vous ». Avec X. Et pour nous écrire, il y a aussi notre adresse courriel patrick.penaud@radiofrance.com. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, CO2 Mon amour de Denis Chessou.